m'emplissent la bouche de sel. Je veux que tu viennes me remonter, même si c'est toi qui m'a poussé. Je veux que tu viennes, ou je vais m'angoisser, ou je vais déprimer, ou je vais me noyer. Je veux que tu viennes m'arracher à ma peine. Je veux que tu viennes me dire que tu m'aimes. Je veux que tu viennes me dire que tu m'aimes. Thank you.